15-30, observation, forme verbale, présent de l'indicatif. Révision et extension. Sourire. Je souris, tu souris, il sourit, il sourit. Nous sourions, vous souriez. Étudier. J'étudie, tu étudies, il étudie, ils étudient. Nous étudions, vous étudiez. S'ennuyer. Je m'ennuie. Tu t'ennuies? Il s'ennuie. Il s'ennuie. Nous nous ennuyons. Vous vous ennuyez. Croire. Je crois. Tu crois. Il croit. Il croit. Nous croyons. Vous croyez? Voir. Je vois. Tu vois? Il voit. Il voit. Nous voyons. Vous voyez. Dans tous ces verbes, il y a, au point de vue du son, une seule forme pour les trois personnes du singulier et la troisième personne du pluriel. Les premières et deuxièmes personnes du pluriel sont formées par l'addition de « on » et de « et » à cette forme commune. Mais ici, ces terminaisons sont précédées d'une semi-voyelle « ye ».